à la base je rappais pour mille. Pas les coups, je rappe game, gros je les baise à tous ces commis. Je veux savoir c'est comment, je pratique depuis un moment. Tu calcules pas tes potes et à tes poupes écris des romans. Qu'est-ce qui part, je les baisse gros, rien à foutre que tu baisses gros. Donc sur ta famille et puis nique sa mère le reste gros. C'est un casse de besto, les tous sont pleins de testo. Tu veux pas que ta sœur glisse, faut que tu la dresses gros. J'y vais au bled, ils m'ont dit faut ta américaine. On va mettre le faux game, j'ai blessé les ken. Ils veulent nous faire tomber les ken, dis-leur qu'ils restent cool. On consomme le produit, ils me font ma dose pour rester cool sur les nerfs. Je pratique du rap nouveau millénaire. Beaucoup parlent dans mon dos, ces petits de pute mon millénaire. Accroche-toi quand j'accélère, je crois que cette fois c'est l'heure. Je manipule et c'est l'air, on gère la rime, ça reste l'heure. Il paraît que je suis plus le même, paraît que je suis plus déterre. Leur faux marche au diesel, nos photos on marche à l'éther. À ceux qui parlent, on va les taire. Les choses, on va les taire. Faut y croire et faire en sorte que tous nos projets prolifèrent. Pour pas beaucoup, ça sort le fer. Oublie ce qui est fait, pense à ce que tu vas faire. Tu seras jugé, t'es sur les faits. Paraît que t'es dans le game, je t'ai vu, t'es sur la touche. Ramène le rap français pendant que je lui crache sur la touche. Et lâche que tout pour une bouffe, il trahirait le sang. Parfois, pour faire la guerre, on récolte la paix par le sang. Y'a pas de place pour la peur, quand on joue pour le beurre. Des blagues, des bains, des beurres, quand on ne vient pas, c'est ta peur, c'est ta soeur. Ta fille ne vient pas chez moi faire le fou. Laisse-les faire les voyous, ma feu pour faire taire les fous. Le monde est fou, on le sait depuis longtemps, c'est pas nouveau. Si ton pote t'a trahi, pourra le refaire à niveau, hein. Pour toi, j'avais mis bas niveau. Ferme-la, tu sens caniveau. Je retiens pour les gigots, hein. Me fais pas la bise, t'es pas mon amigo. Pour toi, j'avais mis bas niveau, le bas niveau. Ferme-la, tu sens caniveau, le caniveau. Je vous retiens pour les gigots, hein. On me fait pas la bise, c'est pas mon ami. Nouvelle tour d'art en qualité, part de rivalité. J'rentre dans le rap comme une balle, j'fais le feu comme journalité. Faut m'en épouser, sont validés. Ça rap, t'as pas idée. Parle pas de solidarité, si t'es qu'une pute en vérité. Tu me jalouses au fond du kiff, j'suis prêt à parier. On m'a dit pour faire du kiff, faut innover, faut varier. Prendre des rimes et marier, jusqu'à que ça y est. Maintenant les fous soutiennent, alors qu'avant ça riait, je variais. Chargé, tu veux tester, la rime est pure. On consomme le produit comme si c'était de la nourriture. Le vide ne vient sans personne, dans ce monde de pourriture. Si t'es fragile, évite de donner ton cœur, l'amour est dur, gros. Tu peux glisser si tu marches sur la bordure. J'expérimente tous les jours, j'ai la bordure. Les procédures, on les connaît, la balance se reconnaît. Pas sérieux sans déconner, les coups de pute, on les connaît. Pour faire l'album, on a taffé, pendant que toi tu rigolais. Fais confiance qu'à toi-même, qu'à personne va t'épauler. Pourtant personne va s'y coller, devant les pistolets. On sait que t'es pistonné, ça mytho cesse de m'étonner. Tu voulais t'éteindre qu'à mon musique, tu vas dire que c'est pas du rap là. Ne fais pas le mec, tous les jours t'as les batteries à plat. Tu casses mon mec au carplay, une cité pleine de blabla. On vit la même, on se comprend, mais pourtant tu n'es pas le gars. Avant ça parlait peu, nos jours ça parle beaucoup. Avant il fallait peu, nos jours il en faut beaucoup. Tu veux de la rime, t'inquiète, y'en a encore beaucoup. J'arrive dans le game, même si mets-toi la corde au cou. Avant ça parlait peu, nos jours ça parle beaucoup. Avant il fallait peu, nos jours il en faut beaucoup. Tu veux de la rime, t'inquiète, y'en a encore beaucoup. J'arrive dans le game, même si mets-toi la corde au cou.